comme tout le monde, on se dit un jour je vais le faire. Ce rêve enfoui qu'on remet au lendemain. Mais l'aspérance en serrant souvent l'envie éphémère, et cette partie de nous est balayée par le quotidien. Alors se dire merde, partons, ne plus se rendre malade, en confinant sa vie à un foutu plan de carrière. À cette course sur plage, je préfère de loin la balade et la folie que l'absence de routine nous confère. Au jour le jour, un coup de pied au cul et voyager. Au jour le jour, un coup de pied au cul et voyager. Voyager pour ne plus être français, pour ne plus être blanc, ne plus se sentir chez soi, pour voir comment c'est ailleurs, être un étranger et quitter son toit, se sentir partout chez soi, comprendre que les différences sont magnifiques et oublier que l'on est égocentrique, comprendre que les frontières nous divisent et prendre chaque rencontre comme une friandise. Ne pas voyager, c'est ne pas te rencontrer et ne pas entrevoir toutes nos possibilités. De partager, de découvrir nos différences entremêlées. Un réveil avec le sourire, se sentir plus qu'un invité. Et de chaque peuple, chaque coutume, une trace d'humanité unique et que l'on ne peut que là-bas retrouver. Il te donnera tout et sans rien attendre. Ne vois-tu pas tout ce qu'il te reste à apprendre? Tout avoir et on reste posé. Tout avoir et on reste posé. Tout à découvrir pour ne pas regretter. Voyager pour ne plus être français, ne plus être blanc, ne plus se sentir chez soi, pour voir comment que c'est ailleurs, être un étranger et quitter son toit, se sentir partout chez soi, comprendre que les différences sont magnifiques et oublier que l'on est égocentrique, comprendre que les frontières nous divisent et prendre chaque rencontre comme une friandise. Et on reste posé. Tout à découvrir pour ne pas regretter.